On va faire ça. Viens, on va sur notre serveur. Voilà Titi. Bonjour Titi. J'arrête la guitare parce que je suis nul. On a fait plein de bruit Titi. On a fait plein de... Set to go high. Well, we wanna set to go high.